Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Jane Jacobs, une femme dans la cité. C'était plutôt cette idée des villages urbains, c'est-à-dire des milieux de proximité où il y a toutes sortes de relations qui permettent l'appartenance à un ensemble plus grand, un ensemble plus vaste, mais qui permettent une forme d'enracinement, une forme de, d'attachement à un lieu auquel on accorde des valeurs particulières. Et je dirais que le nouvel urbanisme ou tout ce courant sur les villages urbains, c'est un peu un héritage des réflexions de Jane Jacobs et de l'apport qu'elle a eu à l'égard de la transformation des pratiques de l'urbanisme. L'urbaniste Gérard Baudet, à l'émission Indicatif présent en 2006, l'influence de Jane Jacobs sur les nouvelles pratiques en matière d'urbanisme est énorme et son héritage est aujourd'hui encore bien présent dans de nombreuses grandes villes nord-américaines, New York et Toronto. En l'occurrence, avec la publication de son livre « Déclin et survie des grandes villes américaines » en 1961, Jane Jacobs propose une nouvelle manière de voir et de penser la ville. Mais Jacobs n'est pas qu'une théoricienne de la ville, surtout pas. C'est aussi, peut-être d'abord, l'une des premières voix militante à réclamer une ville à échelle humaine. Autodidacte, visionnaire, militante, anticonformiste, c'est ainsi que Jane Jacobs a été décrite le plus souvent par ses admirateurs comme par ses détracteurs. Connue surtout pour son essai « Déclin et survie des grandes villes américaines », Jane Jacobs aura mené une lutte infatigable pour améliorer la vie urbaine. À Toronto notamment, elle s'est opposée avec succès à des projets qui auraient, à son avis, détruit le caractère unique de certains quartiers. Le conseiller Adam Giambrone. Elle a commencé un mouvement dans les années 70 qui a arrêté le nouveau autoroute de Spadina. L'auteur Sid Adelman, un des amis de longue date de Jane Jacobs, résume ainsi son héritage. She was the conscience. Elle représentait la conscience de chaque ville nord-américaine, dit-il. Au Québec, Jane Jacobs se sera fait connaître aussi avec son livre « The Question of Separatism », dans lequel elle exprime de la sympathie pour le mouvement souverainiste. À l'hôtel de ville de Toronto, le maire David Miller a invité les conseillers à une minute de silence en mémoire de l'urbaniste. Elle sera sûrement acclamée comme la citoyenne de bien d'autres villes, dit-il. Mais aujourd'hui, nous pleurons une véritable citoyenne torontoise. Jane Jacobs est décédée à une dizaine de jours de son 90e anniversaire, le 4 mai. Greta Juris, Radio-Canada, Toronto. Extrait du Radio-Journal du 25 avril 2006, jour du décès de Jane Jacobs. Pour nous parler de l'important héritage que nous laisse cette géante de l'urbanisme, je reçois Harold Bérubé, ami de l'émission et professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Alors, quelle importance elle a eu, Jane Jacobs, Harold Bérubé, dans notre manière de penser la ville au 20e siècle? Bien, écoutez, l'importance peut difficilement être sous-estimée. Là. C'est une femme exceptionnelle qui a eu une trajectoire longue, riche, on pourrait dire assez singulière. C'est une figure majeure de la manière dont on pense la ville au 20e siècle, au début du 21e. On en a parlé dans l'extrait tout à l'heure. Elle est l'auteur de peut-être le seul best-seller dans l'histoire de l'aménagement urbain, un livre dont on va parler tout à l'heure. C'est également donc quelqu'un qui a vraiment bien joint la parole à l'action, là, donc une militante extrêmement efficace, hyperactive presque. Et c'est quelqu'un là, qui a laissé un riche héritage. En témoigne là, aujourd'hui le fait que l'année suivante sa mort, en 2006, et depuis ce temps-là, chaque année en mai, là, un peu partout en Amérique du Nord et au-delà, il y a les fameuses promenades de Jane où des gens là, vont aller visiter certains quartiers de la ville et en quelque sorte rendre hommage aux idées donc, de cette femme. Ouais, et cette idée-là, elle est belle parce qu'elle s'inscrit aussi tout à fait dans la vision qu'avait Jane Jacobs du développement des villes, c'est-à-dire qu'au fond, elle disait il faut marcher dans les villes, il faut se promener dans les rues. C'est comme ça qu'on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elle est très loin, en fait, même si son livre va être marquant. C'est tout sauf une théoricienne. Elle pense la ville, mais elle agit, vous le disiez. C'est une femme qui va être de différents combats. Et c'est une autodidacte, Jane Jacobs. Commençons par là. Ça, c'est intéressant. Elle naît d'abord en Pennsylvanie en 1916, déménage à New York, dans Greenwich Village, à 18 ans, sans diplôme universitaire. Parlez-nous de ça, de ses années de jeunesse, de comment elle va se donner sa propre formation, en quelque sorte. Oui, en fait, c'est un peu l'anti-experte. Donc, c'est ça, c'est une autodidacte, quelqu'un qui va beaucoup travailler à partir de ses expériences personnelles. Dès la sortie là, d'école secondaire, elle se lance dans le journalisme et elle va écrire là, assez rapidement des textes dans la page féminine là, du journal local de Scranton. C'est dans les années 30 là, qu'elle déménage, donc quand même assez jeune, avec sa sœur à New York. Elle va séjourner brièvement à Brooklyn, mais elle va s'installer de manière plus permanente, on pourrait presque dire définitive, là, dans le quartier de Greenwich Village, donc à New York. Et c'est vraiment son expérience dans le village qui va influencer assez profondément son expérience de la ville et sa façon là, de la concevoir. Il faut dire là, que Greenwich Village, à l'époque, a déjà là, acquis une réputation de quartier favorisé par les artistes, par les originaux de tout genre, là, les marginaux, etc. Donc, le quartier incarne bien cette idée là, que l'air de la ville rend libre et est un milieu où Jane Jacobs là, va prospérer. Il faut dire aussi que d'un point de vue urbanistique, Greenwich Village était un village rural là, avant d'être avalé par Manhattan. Donc, le tracé même de ses rues ressemble plus à une ville médiévale qu'au tracé là, orthogonal qu'on retrouve dans le reste de Manhattan. Donc, vraiment, même à l'œil, Greenwich Village est une société distincte un peu dans la ville de New York. Mmh. C'est son, et ça sera son laboratoire, vraiment, ce quartier-là pendant des années. En 52, oui. Elle devient rédactrice de la revue Architectural Forum. C'est à ce moment-là, Harold Berube, qu'elle commence à développer plus sérieusement, je dirais, sa réflexion sur la vie dans les villes, sur l'aménagement urbain en particulier. À quoi ressemblent ses premiers combats? Ah, parce que c'est ça aussi sa vie, c'est penser la ville, mais se battre pour que la ville qu'elle imagine se réalise. Oui, absolument. Donc, Jacobs, elle va continuer comme journaliste durant les années 40. En 44, elle commence à travailler pour le gouvernement américain. C'est là qu'elle rencontre d'ailleurs son époux, l'architecte qu'elle va épouser en 44. Et en 52, elle quitte finalement le gouvernement américain. C'est là qu'elle devient éditrice de la revue Architectural Forum. Très rapidement, elle va se mettre à écrire donc, des articles pour cette revue-là. Et elle s'intéresse tout particulièrement à l'aménagement urbain et aux problèmes auxquels l'aménagement urbain est censé s'attaquer. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'un article à l'autre, il va apparaître des tensions, en quelque sorte, dans les articles qu'écrit Jacobs, entre ce que prêchent, ce qu'enseignent les aménagistes, là, un peu les théories sur lesquelles ils s'appuient pour amener toutes sortes de solutions aux problèmes urbains, et ce que elle, Jacobs, observe sur le terrain lorsqu'elle va examiner donc les quartiers qu'on essaie comme ça là, de guérir, de réparer, de moderniser. Donc, ces tensions-là augmentent progressivement, et c'est vraiment en 1956, là, lorsqu'elle est invitée à prononcer une conférence à l'université Harvard, qu'elle va vraiment mettre en forme, disons, les fondations de sa manière de voir la ville. Donc, à ce moment-là, elle s'adresse à un public d'architectes, d'urbanistes, des gens très éminents, là, incluant Lewis Mumford, et elle va utiliser le cas du quartier de East Harlem à New York pour critiquer, dans le fond, les idées que les aménagistes essaient d'imposer, donc en quelque sorte, à la ville. Et d'une certaine manière, pour elle, les aménagistes partent de théories qui sont mal ancrées dans la réalité pour imposer une sorte d'ordre stérile à un chaos urbain qu'elle juge désirable. Dans le fond, on essaie de mettre de l'ordre dans ce qui ne devrait pas en avoir, et c'est quelque chose là, qui l'embête profondément. Et c'est vraiment lors de cette conférence-là qu'on peut dire qu'elle tire sa première salve contre l'establishment en aménagement urbain. Suite à cette conférence-là, elle écrit un article pour la revue Fortune, un article qui s'intitule « Downtown is for people », le centre-ville, c'est pour les gens. Et c'est vraiment là qu'elle va mettre par écrit puis structurer un peu les idées qu'elle a présentées à Harvard. C'est également dans le cadre de cet article-là qu'elle s'attaque pour la première fois là, au puissant mandarin new-yorkais Robert Moses. Et l'article fait quand même beaucoup parler de lui, attire notamment l'attention d'administrateurs de la fondation Rockefeller qui, en 1958, vont décider de la financer en quelque sorte pour qu'elle écrive un ouvrage dans lequel elle fait une synthèse de ses idées, dans lequel elle propose une analyse critique des pratiques en aménagement urbain qui ont cours et de celles qui devraient peut-être les remplacer. Oui. Ce qui fait qu'elle publie donc en 61 ce grand, grand classique dont vous parliez dès le début de l'émission, The Death and Life of Great American Cities, Déclin et survie des grandes villes américaines en français. Ça va vraiment devenir un classique, ça va faire école, cet ouvrage-là. On écoute à ce propos l'urbaniste Joanne Brochu au micro d'Hérole Duchesne à l'émission La Semaine verte en 2009, puis on reparle ensemble, Harold Bérubé, de l'importance que va avoir ce livre. son livre va marquer le coup d'envoi de ce qu'on appelle dans le milieu la crise de l'aménagement durant les années 60 et 70, qui va être extrêmement importante. Durant cette crise de l'aménagement-là, tant les architectes, les urbanistes, les gens issus des sciences politiques, bref, tous ceux qui s'intéressent aux politiques urbaines, à différencier de la mise en forme physique des espaces, donc de toutes les disciplines qui touchent de près ou de loin à l'aménagement urbain, elle va lancer le coup d'envoi donc de cette... De cette réflexion-là. Et de cette critique. Et elle va donner une voix à ce qui commence à se dire, à cette réaction, à cette insatisfaction grandissante. Elle va donner une voix à ça et elle va vraiment la formuler. C'est ça qui est très important chez Jane Jacobs. Et le fait qu'elle l'ait fait dans les années 60-70, c'est pas innocent, pas du tout, parce qu'il y avait là une espèce de poussée de ce qu'on appelait le modernisme, qui était donc d'aménager des autoroutes, pas juste en périphérie des villes, mais dans les villes. Donc, ça a avalé la ville. Voilà. Clairement. Dans les villes. C'est qu'elle remet en question cet urbanisme qu'on peut appeler fonctionnaliste et qu'elle appelait urbanisme orthodoxe, c'est-à-dire qu'il partait de modèles idéalisés de la ville, conçus abstraitement, schématiquement, en fonction d'optimum, de calcul d'économétrie, pour dire voici ce que doit être la ville, sans tenir compte de ce que c'est. Et Jane Jacobs s'oppose à cette façon de penser, puisqu'elle dit la ville est un peu comme un système, un organisme qui vit, qui a sa propre vie, et c'est aussi un milieu de vie. Alors, qu'est-ce qui fait de ce livre, Déclin et survie des grandes villes américaines, un livre si important, Harold Bérubé? Eh bien, il est important à bien des égards, à la fois au niveau du contenu, mais aussi au niveau de la forme. Je me permets peut-être de commencer par ça, la question de la forme. Écoutez, moi-même, je l'ai lu quand j'étais étudiant en doctorat en études urbaines et je me souviens que c'est une lecture frappante. C'est bien écrit, c'est évocateur. On est avec Jacobs dans les rues de Greenwich Village. Elle nous présente la vie urbaine autour de nous, un peu ce qu'on a appelé le ballet urbain là, de la rue, des trottoirs et tout ça. Donc, c'est un livre qui est magnifiquement écrit, qui est très accessible, qui est écrit dans une prose là, très concrète. On n'est pas dans le théorique, on est vraiment dans la ville, comment elle fonctionne, mm-hmm. puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas, dans le fond, avec les théories qui sont proposées donc, pour la réparer. Donc, c'est un ouvrage qui a connu un grand retentissement. C'est un ouvrage, effectivement, qui est une attaque. Écoutez, la première phrase là, de l'ouvrage, c'est « Ce livre est une attaque contre l'aménagement urbain et la rénovation urbaine telle qu'elle est pratiquée actuellement. » Donc, Jane Jacobs ne cache pas son jeu. Elle y va d'une critique brutale de l'urbanisme qui sous-tend là, les grands projets de rénovation urbaine qu'on mène à New York, mais partout ailleurs en Occident à ce moment-là. Là, et qui mène à la destruction de quartiers anciens puis le remplacement par des grands projets résidentiels, là, comme un peu le projet Jeanne Mance qu'on retrouve à Montréal mm-hmm. ou encore Regent Park à Toronto. Donc, pour elle, cette approche-là de tout démolir hein, et détacher de la réalité, pour elle, ça mène à la destruction des communautés, à l'atomisation un peu de la société, à l'augmentation des insécurités urbaines. Et justement, comme je vous dis, ce qui est vraiment magnifique dans le livre, c'est qu'elle se base vraiment sur son expérience à elle célèbre un peu la vitalité, la diversité, la complexité des espaces urbains mixtes, donc avec lesquels elle est plus familière. Ouais. Et elle oppose vraiment le gros sens et son expérience personnelle à ce que proposent les experts. Mais comment il est reçu, ce livre, qui est en quelque sorte, hein, vous le disiez, dès sa première phrase, c'est presque une déclaration de guerre à une oui. certaine vision du développement des villes, à un certain establishment qui s'occupe de ça à ce moment-là, à New York, entre autres. Comment est reçu ce livre-là au moment de sa publication? Bien donc, il est lu très largement à l'extérieur des cercles des experts. Donc, de ce côté-là, il est relativement bien reçu. Mais chez les experts, justement, chez les sites de Jane Jacobs, ces praticiens là, de l'aménagement urbain, qui sont essentiellement des hommes, hein, il faut le dire, ils vont vraiment rejeter brutalement l'ouvrage. La réception est catastrophique. Hein, on va réduire ses propos aux propos d'une femme de maison là, qui ne sait pas très bien de quoi elle parle. On la qualifie de tout simplement... En fait, on la rejette en la qualifiant de militant dame. Mais c'est une dame militante un peu là, qui ne sait pas très bien de quoi elle parle. Donc, on va vraiment opposer l'assurance, les connaissances de l'expert à cette figure là, qui est présentée comme quelqu'un qui improvise un peu son discours et qui dit un peu n'importe quoi. Puis il faut le rappeler, puis l'extrait qu'on entendait l'évoquait un peu, mais il faut rappeler le contexte au fond. C'est l'époque du modernisme, c'est les grands maîtres de l'architecture, les grands noms, là, ceux qui sont célébrés dans le monde, c'est Le Corbusier, c'est Mies van der Rohe. C'est ça le climat ambiant et l'école à laquelle s'attaque Jane Jacobs. Ah oui, il faut vraiment souligner, on ne peut pas sous-estimer à quel point effectivement ces idées sont prévalentes à l'époque. Et on est dans le sillage aussi de Haussmann, de sa reconfiguration de Paris, et on idéalise encore ce genre de grand ménage urbain. Et il faut vraiment voir là, comment, c'est pas seulement à New York, c'est à travers l'Amérique du Nord, en Europe. À l'époque, on était en train de démolir, de refaire la ville assez brutalement dans les années 60. Et on peut penser, par exemple, à la bruxellisation, là, la destruction d'une bonne partie de Bruxelles là, pour les chemins de fer et tout ça. Donc, un peu partout, ce sont ces théories-là qui dominent, qui guident l'action urbaine, qui sont derrière des projets là, extrêmement dispendieux, extrêmement importants. Et là, voilà une femme qui décide tout à coup de dire que tout ça, c'est une très mauvaise idée et qu'il dit dans un langage accessible et qui va être assez largement diffusé. Bon, ce qui est remarquable, on l'a déjà un petit peu évoqué, ce qui est remarquable dans le parcours de Jane Jacobs, c'est qu'elle ne se contente pas de réfléchir aux questions d'urbanisme. Elle s'engage aussi activement dans le combat militant contre des projets qu'elle juge inacceptables. L'une de ces batailles qui va vraiment devenir célèbre et qui va faire d'elle quelqu'un de célèbre aussi, c'est celle qui va l'opposer à la ville de New York et à ce fameux Robert Moses dont vous parliez il y a quelques minutes, Harold Bérubé, l'un des bons du développement urbain du New York des années 60. On écoute à ce propos un extrait du documentaire New York, réalisé par Rick Burns et James Sanders au tournant des années 2000. And you know, Robert Moses wanted to build three expressways. Robert Moses voulait construire trois autoroutes à travers New York, pas seulement dans le Lower Manhattan. Vous auriez eu aussi une autoroute du Mid-Manhattan qui aurait traversé la 30e rue au-dessus de vos têtes. Et il voulait en construire une autre au niveau du sol, à la 125e rue, l'autoroute du Upper Manhattan. And he wanted to build one again at ground level at 125th Street, an Upper Manhattan expressway. For decades, nothing had stopped the juggernaut of road building or slowed the rampage of urban renewal. Pendant des décennies, rien n'a empêché la construction d'autoroutes ou même ralenti le déchaînement du développement urbain qui, au nom de la reconstruction de la ville, avait arraché le cœur d'une communauté après l'autre. Mais cette fois, les choses allaient être différentes. Déterminés à sauver Manhattan de la catastrophe qui avait gâché le Bronx, les résidents se sont regroupés et ont décidé de se battre. Pour les représenter, ils ont choisi une journaliste de 45 ans, une maire de la rue Hudson, qui cette année-là avait publié un livre révolutionnaire sur les erreurs de l'urbanisme. Elle s'appelait Jane Jacobs. Le livre s'intitulait « Déclin et survie des grandes villes américaines ». Et New York ne serait plus jamais la même. The book was called « The Death and Life of Great American Cities ». And New York would never be the same again. Parlez-nous de cette bataille-là, la bataille que va mener Jane Jacobs pour sauver son quartier de Greenwich Village dans les années 60, Harold Bérubé, l'importance qu'elle aura eue aussi, Jane Jacobs, pour la suite des choses dans une ville comme New York. Oui, ben, comme on l'a entendu dans l'extrait, on va véritablement pratiquement faire de Jane Jacobs une sorte d'héroïne folk à travers ce combat contre Robert Moses. Moses incarne bien là, cette expertise, même si lui-même n'est pas un expert. C'est un puissant mandarin de New York qui porte là, ses grands projets de démolition urbaine pour faire de la place là, pour des grands projets autoroutiers. Jane Jacobs va s'impliquer dès les années 50 là, pour combattre ce type de projet. Elle n'est pas la seule, il faut le dire. On fait d'elle un peu la figure de proue, mais il y a d'autres personnes comme Lewis Mumford et même Eleanor Roosevelt là, qui sont impliquées dans ce combat-là. Donc, c'est vraiment dans les années 60 que, en quelque sorte, les projecteurs vont se porter sur elle comme vraiment figure de proue du mouvement pour empêcher le développement de la Lower Manhattan Expressway dans le quartier et va vraiment faire d'elle là, une personnalité incontournable de la lutte à ce genre de projet. Et ça va marcher, mais cette bataille-là, elle est longue, elle est usante, ce qui fait qu'en 68, Jane Jacobs décide de venir s'installer à Toronto. Qu'est-ce qui l'amène à quitter New York, les États-Unis, pour venir s'installer à Toronto? Oui, il y a plusieurs facteurs qui vont amener Jacobs à choisir de devenir en quelque sorte canadienne. Elle obtient la citoyenneté en 1974. Elle est une critique très explicite là, de la guerre du Vietnam. Elle s'inquiète d'ailleurs pour ses deux fils qui sont en âge d'être conscrits. Et elle est très épuisée donc, par ses combats avec l'administration municipale new-yorkaise. Donc, pour toutes ces raisons-là, elle choisit là, de passer au Canada et à Toronto. Elle n'abandonne pas ses combats, ouais, comme on l'a vu plus tôt dans l'émission. À Toronto, elle va, encore une fois, prendre la tête d'un mouvement d'opposition au développement de l'autoroute Spadina et va vraiment contribuer au succès de la lutte contre le développement de cette installation. On termine cette émission en abordant un des aspects un peu moins connus de ces nombreuses prises de position de Jane Jacobs, son appui à l'idée d'indépendance du Québec. Ça, ça va créer pas mal de remous du côté de Toronto. Elle va même consacrer un livre à ce sujet. On écoute à nouveau l'urbaniste Gérard Baudet au micro de Marie-France Bazot à l'émission Indicatif présent en mai 2006. Et son livre sur le Québec, c'est une anomalie dans, sur l'indépendance du Québec, c'est une anomalie dans son parcours ou ça s'inscrit logiquement dans ce qu'elle disait? Ça s'inscrit si on revient sur un des aspects de sa thèse, c'est la place des villes. Elle a même milité à un moment donné pour que Toronto se sépare de l'Ontario. Elle dit dans certains de ses ouvrages... Oui, elle dit dans certains de ses ouvrages, les villes sont indispensables, les nations ne le sont pas. Les villes, d'ailleurs, ont précédé les États-nations, et c'est ça qui compte, c'est là où se crée la richesse, c'est là où se mobilisent les dynamiques. Et ce qu'elle disait, dans le fond, c'est que elle n'était pas contre la séparation du Québec. Elle évoquait d'ailleurs d'autres sociétés où ça s'était produit et assez bien réalisé. Mais elle disait, il y a une chose qui va être essentielle, c'est qu'il va falloir que le Québec se reconnaisse dans Montréal, dans sa métropole. Alors, qu'est-ce qui pousse Jane Jacobs à appuyer cette idée d'indépendance du Québec, Harold Bérubé? Oui, ben c'est ça. Il faut vraiment préciser, elle n'est pas une militante indépendantiste, mais on lui demande de prononcer en 79 une conférence sur les villes canadiennes. Donc, elle fait un peu le tour du paysage et lorsque vient le moment d'analyser le cas de Montréal, ce qu'elle voit, c'est que Toronto est en train de monter comme métropole et Montréal décline. Et dans le fond, Jacobs suit tout simplement son raisonnement, c'est-à-dire que si Montréal veut garder une certaine vitalité comme métropole en déclin, ben la meilleure solution pour Montréal, c'est la séparation du Québec qui lui permettrait d'avoir sa zone d'influence, son interland à elle et qui la sortirait un peu de l'orbite de Toronto. Donc, Jacobs n'est pas une militante, mais son raisonnement naturel, son étude de la situation l'amène à considérer la séparation comme une excellente option. D'ailleurs, son livre est très mal reçu du côté du Canada anglais, au point même où dans la nécrologie très longue qu'on lui a consacrée en 2006 dans le Globe and Mail, il n'y a pas une ligne sur cet ouvrage-là, c'est clair. Mais il y a une cohérence. Gérard Baudel et Marie-France Bazot en parlaient, mais autant elle plaide pour une plus grande autonomie politique d'une ville comme Montréal. Elle fera la même chose à Toronto, donc indépendamment du projet indépendantiste québécois. Elle publie un dernier livre avant sa mort, un livre très, très sombre, comme d'ailleurs l'indique son titre, Dark Age Ahead. Qu'est-ce qu'elle raconte dans ce livre-là? Oui, c'est important de mentionner ce dernier essai là, qu'elle a écrit. C'est un essai où elle témoigne en fait d'une grande inquiétude face à l'avenir des sociétés nord-américaines. Et dans sa perspective, elle considère qu'elle observe une érosion importante de ce qu'elle considère comme les principaux piliers sur lesquels repose cette société. Donc, la famille et la communauté, une éducation de qualité, l'importance qu'il faut accorder à la science, un gouvernement représentatif et une fiscalité progressive et finalement un entrepreneuriat responsable. Donc, c'est clair que lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé depuis sa mort en 2006, c'est difficile de ne pas partager un peu ses inquiétudes et de ne pas voir des échos de ses propos dans cet essai-là. Un mot sur l'héritage. Qu'est-ce qu'il reste de sa pensée, la pensée de Jane Jacobs, dans la manière dont on entrevoit aujourd'hui le développement des villes? Il reste bien des choses. Cette pensée-là n'a pas été exempte de critiques. On lui a reproché de ne pas suffisamment tenir compte des questions raciales aux États-Unis. On l'a aussi accusé un peu de contribuer à justifier la gentrification. Mais il en reste pas moins que sa réflexion critique sur l'urbanisme a mené à un nouvel urbanisme qui est plus respectueux des communautés, plus respectueux de la mixité qu'on retrouve en ville. Et surtout, elle a montré que la parole experte pouvait et devait être remise en question et qu'une relativement simple citoyenne motivée pouvait initier une telle critique, un tel débat qui permettait un peu là, de changer les choses. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, ami de l'émission, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.